conditionné, on a été conditionné dans le passé à des habitudes. Des habitudes très fortes, très mécanisées en nous. Et c'est très difficile pour nous de ne pas subir les contrefaçons de ces habitudes-là, mais on doit le réaliser. Je voulais faire cette parenthèse-là. Il y a tellement de nouvelles façons expliquées à l'homme concernant sa psychologie aujourd'hui qui émanent de mon travail que c'est normal qu'il se forme un parapluie. Une philosophie, une psychologie, un quelque chose abstrait qui appartient, qui fait partie du domaine de l'esprit. Ça, c'est normal. Mais il faut que les hommes se servent du parapluie, mais ne vivent pas dessous. Un autre exemple. C'est l'ami de mal enfant, Guy, je sais pas comment ça s'appelle, là, en tout cas. Guy. C'est un autre qui vit nullement sous mon parapluie. Il s'encrisse comme dans l'an 40 de ce que je dis. Il vient passer le fun, c'est intéressant. Je pense que je connais d'ailleurs aucun être parmi tous vous autres qui est aussi détaché, puis qui est aussi inconnu de vous autres, puis qui est aussi derrière tout le mur de toute cette vaste construction qui est mon travail. C'est probablement l'être qui est le moins attaché au parapluie que je connaisse. Et probablement un des êtres les plus simples parmi toutes les centaines que je connaisse. Les gens que vous côtoyez, vous ne les voyez pas comme moi je les vois. Alors, pour nous, les hommes, de comprendre l'importance de ne jamais vivre sous un parapluie, c'est essentiel parce que l'humanité a toujours vécu sous un parapluie. Et s'il y en a un qui ne va pas créer un parapluie pour que l'homme se cache dessous, c'est bien moi. C'est dangereux, un parapluie. C'est dangereux. Faut être intelligent pour pas vivre sous un parapluie. Faut être intelligent. Faut avoir une identité. Faut avoir quelque chose en dedans. C'est subtil. Moi, je peux pas me mettre dans vos bottines puis m'asseoir à la table et me regarder parler. Je sais pas comment est-ce que je fonctionne. Mais je sais que c'est subtil d'être pris en dessous d'un parapluie. C'est la grande vanité des hommes de créer des parapluies. Mais dans quel but? D'assécher les têtes de tout le monde. Ah, faut qu'on fonctionne. Faut que chaque être humain ait son propre mouvement, sa propre pulsation. Puis tout ça ensemble, ça fait un système qui fonctionne en harmonie. C'est ça le but et l'éventuel développement de la conscience universelle. Vous allez rencontrer dans le monde des gens qui sentent où ils en, ou qui sentent où ils en sont, qu'ils se réalisent de leur façon. Et ça sera à vous de pouvoir sentir, réaliser ces gens-là. Vous n'aurez même pas le pouvoir de changer rien en eux parce que déjà ils seront suffisamment avancés pour se comprendre eux-mêmes. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'imagine que ce qui se passe dans la province de Québec est une condition privilégiée de l'individu. Il y a du monde dans le monde que vous pourrez rencontrer ici et là, et vous verrez que ces gens-là sont sur votre même longueur d'onde. Alors, l'affaire du parapluie, c'est bien subtil, puis c'est bien important. Un homme peut pas être mère poule à plusieurs hommes. On a de la misère à pondre nos propres œufs. Puis le plus drôle, puis ça, c'est encore, ça fait encore partie du conditionnement humain. Notre réaction psychologique naturelle, c'est toujours d'aimer ceux qui nous écoutent. Facilement. Quand je dis facilement, là, je veux dire que ceux qui peuvent nous gober, puis nous gober, puis nous gober, puis nous gober. On les aime plus, là, parce qu'ils sont plus fins. Mais ce ne sont pas les plus forts. Les plus forts, en général, c'est pas des cadeaux. Puis t'es mieux d'être bien à point dans ce que tu dis, si tu veux qu'ils t'écoutent. Sans ça, ils vont te renverser la pilule vite. Bien subtil, ça. L'individualité, c'est ce qui a été le plus écrasé dans l'évolution, le plus. La guerre de l'intelligence contre l'ignorance, c'est justement ce niveau-là. La destruction des formes pour libérer l'homme de son incapacité de vivre sa propre identité, en passant par son individualité caractérielle. Il y a du monde qui me voit dans leur soupe, puis me voit dans leur... Tu sais... t'as une minute. Riez pas. Je suis sérieux. On peut pas se permettre ça. Bon, je vais expliquer le principe de l'énergisation du corps mental. J'ai déjà dit que l'intelligence est une énergie. Et que c'est l'énergie qui s'occupe de l'évolution. Et que l'énergie, quand elle passe dans l'homme, crée ce qu'on appelle de l'intelligence, c'est-à-dire que cette énergie crée des pensées. Et que ces pensées-là deviennent, quand on se conscientise, un bombardement. Quand on est inconscient, les pensées ne sont pas un bombardement. Elles sont simplement un mouvement constant dans notre mental qui nous permet d'avoir une certaine logique, un certain intellect. Mais lorsque l'homme commence à développer la conscience supramentale et que le plan mental inférieur est transmuté, là où auparavant il y avait de la pensée, là où auparavant il y avait une sorte d'organisation logique dans le phénomène de la pensée, il se crée de plus en plus un bombardement de pensées qui ne sont pas nécessairement logiques, qui contiennent un certain niveau d'intelligence et qui servent à exaspérer le mental inférieur. Lorsque l'énergie bombarde le mental inférieur, l'ego subit une pression et cette pression-là est justement l'outil dont se sert l'énergie pour transmuter le corps mental de l'homme. Pour que plus tard, il y ait dans l'homme suffisamment de vide dans son mental pour que son mental soit rempli instantanément par cette énergie qu'on appelle l'énergie de l'intelligence. Mais l'homme a tendance à catégoriser l'intelligence, c'est-à-dire qu'il a tendance à donner à l'intelligence une valeur quelconque. Et l'intelligence, lorsqu'elle est manipulée par l'énergie, va toujours chercher à détruire dans l'homme cette tendance naturelle chez lui à s'approprier le fait de vérité ou de mensonge de cette intelligence. Parce que l'homme veut toujours établir une polarité dans son mental lorsque l'intelligence passe. Il veut savoir si ce qu'il reçoit, c'est ça ou si c'est pas ça. Et des fois, ça va être ça, puis des fois, ça sera pas ça. Et ça, ça exaspère l'ego, ça fâche l'ego. Et c'est bon que ce soit ainsi parce que ça désengage l'ego. Ça le force à ne pas s'occuper, prendre au sérieux l'intelligence en lui pour que un jour il puisse vivre de l'intelligence et non de l'impression de l'intelligence en lui. L'intelligence de l'intelligence est instantanée. L'impression de l'intelligence, ce n'est pas instantané. Et ça mène à la pensée, ça mène au rationalisme, ça mène à l'analyse. Ça mène à une faculté quelconque du mental inférieur et ça ne mène nulle part. Et le bombardement de l'énergie de l'intelligence sur le mental humain va s'accroître dans les années 82. Il va s'accroître dans les années 83, 84. Ce bombardement va s'accroître parce que le travail va devenir de plus en plus subtil, parce que le corps mental de l'homme doit encore être activé, parce que tout est en relation avec les lois de la résonance. Tout le corps mental supérieur est résonnant, vibrant à une vibration de l'énergie, plus l'intelligence peut être canalisée et plus l'intelligence manifestée dans l'homme par cette énergie est grande. Alors, le bombardement de cette énergie créant des impressions sur le mental de l'homme, vous pouvez vous attendre à ce que il y ait des périodes chez vous, en vous, qui soient accentuées. Et c'est selon la capacité à l'homme d'absorber ce bombardement que se fera la sélection vibratoire. Il y a quelqu'un qui me demandait, mais qui me parlait ce matin d'une faiblesse dans sa colonne vertébrale. Et il s'imaginait que plus tu deviens conscient, moins tu devrais être malade, et ainsi de suite. Le principe est réel. Mais pour que l'homme puisse, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur tous les plans, et surtout sur le plan physique, puisqu'on parle de maladie, pour que l'homme ne puisse pas être malade sur le plan matériel, il faut d'abord que l'énergie crée suffisamment d'impressions dans le mental de l'homme pour élever la vibration de son corps mental à un niveau de conscience supérieure, pour que cette énergie puisse d'abord passer par ce centre-là, ensuite par le centre émotionnel, ensuite par le centre vital et éventuellement descendre sur le plan physique. L'énergie, elle peut pas venir de croche. Faut qu'elle passe d'un plan à un autre plan, à un autre plan, à un autre plan. Et le plan le plus important, le plan le plus vaste, le plan choisi par cette énergie, c'est le plan supramental. Lorsque l'homme est capable d'absorber l'énergie, la vibration, l'énergie vibrante, la puissance vibratoire de ce rayon dans son mental supérieur, c'est évident que c'est très facile pour cette énergie de descendre sur les autres plans et de les conditionner, ces plans-là, à une sorte de niveau de perfection plus ou moins grand suivant la capacité de l'homme de recevoir cette énergie. Ceux qui n'ont pas de problème physique, mais tant mieux. Mais ceux qui en ont, Sachez bien que pour que ces problèmes-là se subtilisent en relation avec l'énergie pénétrante, il faut d'abord que le corps mental soit totalement développé, parce que le corps mental supérieur de l'homme, c'est la porte d'entrée de cette énergie-là dans l'homme. C'est le plan cosmique de l'homme. Et faut que l'homme puisse vivre au niveau de ce plan cosmique. Et pour en arriver à vivre au niveau de ce plan cosmique, il est évident que les plans inférieurs, le mental inférieur et l'émotionnel doivent subir de la pression pendant un très grand nombre d'années. Et là où se situe le travail en premier lieu de tout, c'est au niveau du plan mental. C'est pour ça que le bombardement du mental inférieur par l'énergie probablement se continuera pendant des années. C'est dans ce sens-là que l'initiation solaire n'est pas facile. C'est pas tellement au niveau de la destruction de la forme, parce que vient un certain niveau où les gens peuvent facilement comprendre et voir à travers les illusions de la forme. Mais c'est au niveau de la capacité d'absorber cette énergie-là, lorsque la forme est accélérée dans le mental, que le phénomène de relation entre l'homme et l'intelligence devient presque fatigant, stupide, niaiseux, ainsi de suite. Autrement dit, plus ils sont niaiseux, plus le travail se fait. Mais nous autres, on ne voit pas ça comme ça. Plus ça niaise, plus il y a de travail qui se fait. C'est ça le niaisage. Mais aussitôt qu'on vit le niaisage, nous autres, on se fâche. Puis on voudrait que ça arrête de niaiser. Ça ne peut pas arrêter de niaiser parce qu'on est des niaiseux. Alors le travail nous déniaise, puis pendant que ça nous déniaise, on se fâche et on les appelle niaiseux. C'est un cercle vicieux. Ils sont toujours après niaiser. Là, je dis c'est un cercle vicieux. L'autre, il dit en haut, fais pas ton vicieux. Ils niaisent. Pour montrer qu'ils sont toujours là, Mais seulement qu'éventuellement, ton mental est tellement libre de la forme qu'ils disent n'importe quelle niaiserie, ça t'affecte plus. Là, t'es bien. On dirait qu'ils s'ennuient, eux autres, des fois. La foi du bon Dieu. Tu jurerais qu'ils s'ennuient. Mais c'est cette présence. C'est des milliers d'années que l'intelligence cosmique attend pour descendre dans l'homme sur la Terre. Des milliers d'années. Fait que tu comprends qu'à cette heure que ça commence, il donne le paquet. Ah ouais. Il y en a qui n'ont pas ce problème-là d'être niaisés, tant mieux. Mais il y en a qui l'ont. Moi, je l'ai eu plus que vous l'aurez jamais. C'est écœurant de niaiser de même. Éventuellement, mais tu deviens smart. Ils disent que c'est à notre avantage de. Qui nous niaise, c'est à notre avantage du moment qu'on sait ce qui se passe. Mais si on ne sait pas ce qui se passe, là, naturellement, on est fini. Mais si on sait ce qui se passe, le fait qu'ils nous niaisent, c'est à notre avantage parce que ça nous déniaise. Ils sont obligés de nous niaiser pour qu'on se déniaise. Comprenez-vous, vous dites? C'est la loi d'action puis de réaction. Faut toujours qu'il y ait un obstacle pour qu'il y ait une progression. S'il n'y avait pas d'obstacle, il n'y aurait pas de progression. Fait qu'ils créent des obstacles. Fait que les obstacles, ben, c'est leur niaisage. Puis nous autres, on tombe dans le panneau. Puis après ça, on tombe plus dans le panneau. Quand t'es rendu que tu tombes plus dans leur panneau, tu deviens intelligent. C'est de même que ça marche. C'est aussi simple que ça. Cherchez pas plus loin que ça. C'est pour ça que je vous dis souvent, si vous dites c'est le Christ qui vous parle, checkez bien gaffe. Ils vont vous niaiser. Saint-Joseph, la Sainte Vierge, les extraterrestres. C'est effrayant ce qu'ils peuvent faire. C'est effrayant. Ils sont au bout. Ils disent qu'ils peuvent être aussi niaiseux qu'on l'est. OK? Fait qu'imagine-toi, il faut qu'on le sache. Ils disent qu'ils peuvent être aussi niaiseux qu'on l'est. Ils savent de notre mémoire, ils connaissent notre mémoire. Et... Puis ils disent qu'ils vont continuer tant qu'on va être niaiseux. Fait que prenez-en plein vos oreilles. Être intelligent, c'est pas être niaisé par eux autres à aucun niveau. Quand ils peuvent plus te niaiser, là, c'est là que t'es intelligent. Pour moi, c'est clair et net, ça. Ils sont contents. Ils sont contents dans ce temps-là. Ils vont dire, c'est à peu près temps. Pourquoi est-ce que vous pensez que dans les séminaires, je disais souvent, c'est des chiens. Tu sais, je disais, c'est des chiens. Faudrait bien que je le dise. Au moins, moi, si je dis, c'est des chiens, c'est moi qui le dis, ça passe bien. Mais les gens spirituels n'auront jamais le courage de dire que c'est des chiens. Vous tremblez dans vos culottes. Vous avez peur. Vous étiez tellement spirituel. Vous auriez tremblé de dire c'est des chiens parce que la forme, elle vous aurait bouleversé émotivement. Fait que j'ai commencé le bal. Là, il y en a qui ont commencé à parler des chiens. C'est pas facile de les traiter de chiens quand ils nous ont été présentés pendant des siècles comme des beaux petits anges avec des gros ventres, puis des ailes, puis les ongles roses. Vous riez, mais je sais ce que je veux dire. Parce qu'il y en a qui les voient en cause comme des beaux petits êtres qui flattent des grosses petites ballonnes, là. Tu sais? Hey, on a été charriés pendant des siècles par la dimension astrale de notre conscience. Si j'avais une image ici, là, qu'on connaissait dans le temps, là, Jésus à Sainte Vierge, puis les saints qui se promènent autour, là, tu sais, vous verriez la vibration comment c'est fort. Ou le Christ à la croix qui saigne, puis il pleure, tu sais. Il est tout tordu, là. On vient tout mal, pauvre gars, tu sais. On est fait d'émotions. Moi, si j'avais pas été fusionné, je les aurais jamais appelés des chiens. J'aurais tremblé dans mes culottes. Mon émotion, ma spiritualité m'aurait jamais permis ça. C'est profanatoire, c'est sacré, c'est sacré. Voilà l'enfer. Ouais. Oubliez pas que, il y en a pour qui c'est bien, ça passe, hein. Mais il y a bien du monde parmi toutes vos centaines que, quand ils recevaient ça au début, là, ça leur brassait le Canadien. Le Canadien français. J'en ai eu des rebondissements de ça. C'est effrayant, parler de même. Après ça, ben, on s'ajuste, puis on s'ajuste. Puis quand on commence à pâtir d'eux autres, là, on commence à prendre la relève. Il y en a qui appellent Gisèle puis ils disent au téléphone, c'est des crises de chiens. Gisèle a dit, ben oui, tu comprends. Des chiens. C'est rien que ça qu'on entend au téléphone, c'est des chiens. Des gens commencent à être intelligents. Tout bon. On va vous dire une chose. On est chanceux dans la province de Québec d'avoir la conscience du sacre. C'est très particulier à notre province, le sacre. Ça, c'est évolué. Ça fait partie de toute l'évolution psychologique très, très occulte du peuple québécois. En Angleterre, ça sacre pas de même. Oh my God! Bye, George. Tu vas pas chier loin que ça. En France, mais c'est merde. T'sais. En chinois, mais pense-y pas. Mais nous autres, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est intéressant, ça. C'est vrai qu'il faut... La psychologie du peuple québécois, ils connaissent les événements, eux autres, depuis longtemps. Ils nous ont fait. Et la psychologie du peuple québécois a été développée et il a été inscrit dans la psychologie de ce peuple-là des conditions psychologiques de haute émotivité du sacré pour que ce même peuple-là puisse se servir de cette forme-là ensuite pour détruire en lui la forme du spirituel. Mettez ça dans votre pipe. Fait que si vous voulez comprendre pourquoi ce qu'on sacre au Québec, c'est voulu et c'est très bien. Seulement que, comprenez-moi, il y en a toujours qui me comprennent pas. Il y en a toujours là, qui me prennent à la lettre, puis ils disent, Bernard, il dit que c'est bon, tu sacré, puis tout, tu sais. Là, ça s'en va à Radio-Canada, puis là, je me fais passer pour un vrai pimp. Naturellement, sur le plan des mœurs, sur le plan social, c'est mal vu, sacré, c'est normal. Mais je veux dire, dans la mécanique interne de la destruction de la forme, je sais, moi, que c'est un outil extrêmement puissant. Et la souffrance intense, éventuellement, qui peut venir dans certains individus, même si on veut massacrer, ils sacreront. Je suis sûr qu'il y en a dans la salle que c'était pas leur habitude avant de sacrer, puis ils ont commencé à comprendre ça. Y en a-t-il un qui est capable de me lever la main pour la femme? Ah, il en a pas mal. Des bonnes femmes du bon monde, bien éduquées. Hey, quand t'entends ta grand-mère qui dit « Calisse », je te dis que les petits-fils se demandent ce qui se passe. Mais ça, faut garder ça en dedans. C'est pour ça que je ne sors pas les cassettes dans le public. Je vais me cacher avant que j'ai ça. C'est pour ça que on parle d'intelligence. Ça ne se conditionne pas de l'intelligence. Quand ça passe l'énergie, il faut qu'elle dise ce qu'elle veut, l'énergie. C'est pour ça qu'on peut grandir puis sortir éventuellement de notre trou. Sans ça, on ne peut jamais sortir de notre trou. Ça crée des éclaboussures au début, c'est normal. Mais un jour, on comprend. Mais une petite porcelaine là-bas qui est sacrée. Ah, c'est du bon. Ils disent que l'explication de la mécanique vibratoire du sacre en relation avec la tension vibratoire imposée sur le mental et l'émotionnel, qui est expliquée depuis que j'ai commencé, est un des fondements de la réaction égoïque de l'homme contre l'enlisement psychologique de sa spiritualité qui l'empêche de se décrocher de son humanité ancienne pour rentrer dans la conscience précise de l'énergie de l'intelligence future. C'est occulte à ce point-là. C'est occulte à ce point-là. Les facettes, les aspects de la conscience supramentale, vous en arriverez jamais au bout. Quand même que je parlerai pendant 100 ans, on n'en arrivera jamais au bout des aspects de la conscience supramentale. Parce que l'intelligence est tellement parfaite que l'explication de l'intelligence par le biais de l'énergie qui fait vibrer le corps émotionnel et le corps mental de l'homme, c'est infini. Infini. Vous savez, on parle du feu sur la Terre, on connaît le phénomène du feu sur la Terre. L'homme, un jour, sera tellement avancé dans sa conscience. C'est-à-dire que sa conscience sera tellement vaste. C'est-à-dire que sa conscience sera tellement libre de son corps matériel, de ses sens, que le feu que l'on connaît, nous autres, sur la Terre, en tant que phénomène physique, le feu sera un aspect de sa conscience. Autant aujourd'hui on se sert du feu pour brûler ou pour réchauffer, autant l'homme se servira du feu par son mental et pourra par son mental brûler la matière. Le feu, au lieu d'être une expression chimique, sera une expression de la descente rapide de l'énergie cosmique dans le mental de l'homme. Et l'instantanéité de ce rapport-là entre le mental de l'homme et cette énergie qui descendra créera le feu, du feu véritable, qui sera encore plus puissant que le feu qu'on connaît, parce que le feu qu'on connaît, c'est un feu qui est matériel. Et dans ce feu, il y aura de l'intelligence. Ce feu sera de l'intelligence. Nous autres, on vit l'intelligence simplement sur le plan mental. On ne vit pas l'intelligence sur le plan éthérique. Mais dans ce temps-là, le feu sera de l'intelligence et l'homme créera avec ça. C'est pour ça que le phénomène de l'intelligence, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est un phénomène extrêmement primitif de ce qu'est l'intelligence. On est obligé de parler aujourd'hui d'intelligence parce qu'on est obligé de renverser la polarité des formes dans le mental de l'homme. Mais demain, l'homme vivra du feu de l'énergie qui sera de l'intelligence. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, dans notre évolution vers la conscience supramentale, on est obligé, ou ceux qui le vivront jusqu'au bout, sont obligés de réaliser la vibration de l'énergie avant de pouvoir vivre du feu de cette énergie-là. Et la vibration de l'énergie, c'est le bombardement qu'on subit dans le mental au fur et à mesure que se fait le rapprochement entre notre conscience supérieure de notre conscience inférieure. De sorte que tout ce qui est de nous, tout ce qui est de notre personnalité, tout ce qui est de notre ego, tout ce qui est de notre inversion contre la lumière sera mis à feu, c'est-à-dire que sera détruit dans sa forme. J'incite les gens toujours à ne pas considérer ce qu'ils sont, mais à ce qu'ils seront demain. Parce que ce qu'ils sont n'est pas. Ce qu'ils sont est équivalent à ce qu'ils veulent garder. Mais je vous assure que l'homme ne gardera rien de ce qu'il est. Quand je parle de l'homme qui ne gardera rien de ce qu'il est, je parle de l'homme qui passera d'un clan à un autre. Ça, c'est garanti, garanti, garanti, garanti, garanti. C'est pour ça que l'entre-gens que vous pouvez avoir à tous les niveaux, l'entre-gens, vous n'avez besoin de l'entre-gens. Parce que l'entre-gens va vous faire voir des choses en vous que vous ne voyez pas par vous-même. Par soi-même, on ne voit rien. C'est dans la collusion de notre expérience avec une autre expérience qu'on réalise quelque chose. Par soi-même, on ne voit rien. On ne voit absolument rien par soi-même. Même si on est fusionné, on ne voit rien par soi-même. C'est dans l'interaction avec l'extérieur qu'on découvre soi-même, qu'on voit nos limites. Par soi-même, on ne voit rien. Un homme qui ne parle pas à un autre homme ne peut rien voir de ce qu'il est. C'est pour ça que la communication entre les hommes est très, très importante. Très importante. Qu'elle soit faible, c'est normal, mais qu'elle soit exprimée, qu'elle soit vécue, c'est très important. Parce que les illusions d'un autre, vous les verrez automatiquement. Si vous voyez les illusions d'un autre, ça vous permettra de voir vos propres illusions à vous. C'est tant de vous autres que le travail se fait. Ben, c'est pas avec moi que le travail se fait. Parce que moi, quand je vous vois, des fois, je vais vous expliquer des illusions. Mais il n'y a pas de problème de personnalité. Tandis que c'est au niveau de vos contacts personnels et interpersonnels que se développent les problèmes de personnalité. Et c'est là que vous voyez et découvrez les illusions, soit dans l'autre, qui sont réelles, ou en vous, qui pensez qu'ils sont réels et qui sont en fait en vous et non dans l'autre, ainsi de suite. Papapapapapa. Le field work, le plan de travail, le champ de travail, c'est dans votre vie, dans vos rencontres, ainsi de suite. Je vous l'assure. Un homme ne peut pas, un homme peut être conscientisé s'il est seul, mais ses corps ne peuvent pas être ajustés s'il est seul. Ça, c'est un point de référence important. Moi, dans le jeûne, j'étais conscientisé, d'accord. Mais c'est quand je suis revenu dans la civilisation, dans mon contact avec la civilisation et avec l'homme, et ainsi de suite, et des individus que d'autres m'ont fait rencontrer, que les corps ont été éprouvés dans leur résistance. Quand tu es seul, tu es toujours safe, tout seul, quand tu es avec eux autres. Même si ça barre pas mal, tu es avec eux autres. Tu es dans une conscience. Mais quand tu as ou que tu vis de l'interaction avec l'homme, surtout des hommes qui sont capables de te donner de l'interaction, à ce moment-là, c'est là que tu réalises ce que tu sais. Tu ne peux pas réaliser ce que tu sais par toi-même. Il faut que tu parles pour le réaliser ce que tu sais. Remarquez bien ça. Fait que si toi t'arrives, puis on se parle ensemble, puis t'es bien convaincu de ton affaire, c'est celui qui aura la vibration la plus haute qui détruira la forme dans l'autre. Si tu parles pas, tu vas rester convaincu de ton affaire. Puis c'est ça que je fais avec vous autres. Des fois, vous êtes bien convaincu de votre affaire. Puis là, je vous détruis la forme, fait que vous changez. Puis là, vous devenez encore bien convaincu de votre affaire, puis je détruis la forme. Un peu comme Croteau, qui t'a bien convaincu du sous-mat. Mais si Croteau, puis moi, on n'avait jamais parlé, il aurait été aussi fin qu'il est là, il aurait été aussi conscient qu'il est là, mais il aurait jamais compris l'aspect de l'intelligence qui est capable de détruire toutes les formes qui servent à l'évolution de l'homme. Mais il faut là qu'on se rencontre, Croteau, moi, il faut là qu'on se parle. C'est le même cas pour tout le monde, tous les hommes de la Terre. Les mystiques qui sont poignés ces montagnes, je te jure qu'ils ne peuvent pas aller bien loin. La preuve, c'est qu'ils commencent à descendre, là. Ils en viennent ici dans 747. C'est le fun. C'est bien important l'interaction. C'est là que vos égos et vos personnalités sont éprouvés. Éprouvé, puis éprouvé, puis éprouvé, puis éprouvé. Puis là, vous vous apercevez que, oh, petit à petit, là, vous asseyez dessus, vous asseyez dessus, vous asseyez dessus, vous asseyez... Il se développe une sorte de calme, d'accalmie. Vous coupez moins carré vos coins. Fait que là, vous commencez à avoir un petit... Là, vous développez une personnalité un petit peu plus plaisante. Vous êtes plus souple, vous développez de la souplesse. C'est important, la souplesse. Ça arrondit les coins. Ça crée une table ronde, la souplesse. Puis Dieu sait si l'homme a besoin d'une table ronde. Quand je dis que l'intelligence sur la Terre, c'est une pyramide, que l'énergie, les lois de l'univers fonctionnent selon les lois de la pyramide, tout est hiérarchisé. Moi, si je rencontre un gars un jour qui est capable de me dire « C'est pas ça, Bernard, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Je suis obligé de l'accepter. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je suis obligé. Faut qu'il y ait la vibration. S'il y a vibration pour canaliser de l'énergie qui devient intelligente, qui surplombe encore, qui élimine des voiles que je peux avoir dans l'intelligence, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'écouter ce qu'il a dit et dire, ben oui, c'est ça. Si tu veux, je te dis. Mais il est mieux d'être sûr d'être sûr. Parce que moi, je suis sûr d'être sûr. Fait qu'il faut qu'il soit sûr d'être sûr, mais encore dans une autre vibration, ainsi de suite. Puis c'est ça la hiérarchie. Puis à ce stage-là, quand tu es sûr d'être sûr, tu es dans l'intelligence. Puis quand tu es dans l'intelligence, tu reconnais l'intelligence. Si tu reconnais l'intelligence, tu es totalement en harmonie avec elle, même si elle est plus vaste. Alors, le dialogue entre les hommes est très important. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas le goût de parler, il faut parler. C'est pas ça que je veux dire. Ça veut dire que là où il y a dialogue, c'est parce que vous avez la vibration pour dialoguer. Quand vous ne l'avez pas, la vibration, vous ne l'avez pas. Tu ne fasses pas parler parce qu'il faut parler. Il ne faut pas parler. On parle quand on a parlé. Chaque fois que je vois Tiki, je dis comment ça va ta job? Ça va bien. C'est tout, final. La conversation s'arrête là. On n'a pas d'autre chose à se dire. C'est pas nécessaire qu'on se dise d'autres choses parce qu'il n'y a rien à dire. On est bien, on est du fun. Ta job, elle marche bien. Ta job, elle marche bien. Lui, s'il commençait à se casser la tête, puis il dirait, comment ça se fait? Je parle jamais avec Bernard. Mais là, ça sera son problème. Mais il n'a pas ce problème-là. Il a assez de la grande tapette hawaïenne, c'est qu'il tient éveillé tout le temps. Ils s'entendent bien. L'un qui parle pas, l'autre parle trop. Ça marche. C'est ça, l'équilibre.